J'ai jamais cours ni de vierge à part ma feuille à 4. Je crois que je suis marrant, chaque meuf que je côtoie se plie en 4 pattes. Peu de vrai dans ce qui m'entoure, je vois que 2-3 silhouettes. Ça n'est gros, je suis loin, je te distance d'environ 9 mm. Car j'ai remarqué qu'ils sont proches et qu'aucun d'eux veut te voir briller. Malgré qu'il y a trop de nanas, j'aimerais partir en exil, trouver le nirvana comme Siddhartha Gautama. Pareil qu'à Gotham, mais n'est pas Batman qui veut, nah. Sauf pour les médecins en or qui vous. Je reste souvent de monnaie, mais je tourne en rond pour être au centre de tout, comme le cercle rouge du drapeau japonais. Certains disent. Take money, je connais pas de crise. Tu me fais la bise, c'est même pas qui t'a sucé. La place de ta bouche dans mon chial. Impression que ma queue est une survoie. Vu le nombre de garages j'habite, j'élimine, ennemi imminent. Pas de parole, patate sur les lips. Inoffensif, je fus. Inoffensive et je tue. Une gencive de plus. Sur le bitume, j'accumule l'embrouille, bagarre de rue. Taille sur la tête et pour décompresser. Je suis beurre blanc, black, ceux qui me côtoient. Posé. Le temps défile, les thunes se font au coin des rues, ça tire. Un verre se casse, une âme se crève, une plaie de sang se vide. Foxtrot, uniforme Charlie Kilo, pote pute, barman, par Giro, pirouette, attirant sur le mec. Je veux pas qu'on fasse du chemin, mais qu'on aille plus loin dans tes fesses. J'suis un salaud, t'es une gobien. Va checker un autre négro, j'mérite pas que tu sois ma putain. Ma putain, t'es belle de loin, de loin la plus belle. Donc commence pas à faire ta putain, ta putain. Sinon, billage, c'est très très. Sagerie, allo baby, c'est Damso. J'avais pas de réseau, j'étais au studio. Rappelle quand tu peux, j'fais une pause, le don mix mon new morceau. Hystérique, elle crie down. Les filles, j'crois que j'ai fait la connasse. Passez-moi vite un flingue, j'ai douté de mon homme, j'suis trop naze, trop naze. Cinéaste, cinéaste. Les maps se font des films, c'est dingue. Rivière fleuve, je reçois plus de flots qu'un matelot, un matelot. J'ai juste assez de boules que douille dans le magnum. I'm sorry, seul moyen que j'ai de gueuler est plus gros arsenal que Wenger narcotrafic. Dès que je lâche ma gauche, laisse man mixer le fourri. J'suis furieux comme le daron après film de Kunta Kinte. Mais pas c'est pas un gun, c'est sur le bélo que je veux tirer. C'est des AMS, d'Alpha, remets un coup de couteau dans le ventre, je remonte jusqu'au cerf. Faut mon putain de trafic de weed, faut mon putain de trafic de weed, mon putain de trafic de weed, mon putain de trafic de weed, mon putain de trafic de weed. An additive synthesizer, Armor can resynthesize audio files as well.